check ça, check ça, check ça. 83 points, on représente, toujours sur le terrain, Ok, ça fait, Comment commencer ce texte quand dans ma tête y'a plus de thème? Quand la haine s'en mêle, que même les putes te disent je t'aime. Quand la lumière s'éloigne et que ton ciel se noircit. Comment vouloir avancer quand c'est pas toi qu'on a choisi? Ils veulent pas de nous, mais ils savent pas ce qu'ils ignorent. Y'a ceux qui naissent sous la belle étoile et ceux qui dorment. On veut faire de l'argent, mais le rap c'est pas rentable. Et pour avoir mon son, faut le désaccord parental. Je suis pas mis au rap en découvrant Skyblock Music. Message au ministère, faudrait penser aux démunis. Je veux pas finir caissier ou laver le sol dans un McDonald's. Si loin du rêve américain et des bonus patronal. On veut du liquide, gratter les lignes et se taper des tripes. Mauvais délire, mais grave le shit et casser des vitres. La vraie vie, poteau, c'est pas un groupe sur Facebook. Moi je représente Toulon et ses alentours. Quand la haine s'en mêle, y'a plus de thème dans les couplets. Aucune émotion, plus d'émotion dans mes sons. Je pose un texte et je tire un tri. Je prends un verre et je me défais. Laisse-moi pas la frêle cahier. Quand la haine s'en mêle, y'a plus de thème dans les couplets. Aucune émotion, plus d'émotion dans mes sons. Je pose un texte et je tire un tri. Je prends un verre et je me défais. Laisse-moi pas la frêle cahier. J'ai plus aucune émotion. Je peine à écrire, ils s'en tapent de nos vies. On ne sait plus qui est lire. Pendant ce temps-là, je balade ma life dans mes Adidas. Frérot, ça kick sale, on n'a que le rap pour avoir le smile. L'habitude de produire des écrits sans thème. Je m'en sortirai indemne, laisse tomber les chrysanthèmes. Bienvenue chez moi, sous la canicule, personne nous manipule. Viens pas poser si t'en as pas l'habitude. Quelques notes de piano pour tenter de réussir. Si tu croyais que j'étais mort, entends-moi ressurgir. Je continuerai mon art sale, quitte à être détesté. Mon rap est un marteau piqueur, alors comprends que je perçais. Ne crois pas en la musique pour gagner des millions de eux. Trop de mecs ont pris le rap, c'est pour la française des jeux. Moi j'en ai marre des peureux qui veulent jouer les terreurs. J'en ai marre des rappeurs qui se prennent pour des empereurs. Quand la haine s'en mêle, y'a plus thème dans les couplets. Aucune émotion, plus d'émotion dans mes sons. Je pose un texte et je tire un tri. Je prends un verre et je me défais. Laisse-moi pas la frêle cahier. Quand la haine s'en mêle, y'a plus thème dans les couplets. Aucune émotion, plus d'émotion dans mes sons. Je pose un texte et je tire un tri. Je prends un verre et je me défais. Laisse-moi pas la frêle cahier.